Boum Boum Mo. Boum Boum Mo. Musique française. Des années 60 à 80. Boum Boum Mo, musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM. La semaine dernière, on était avec les filles du crew Fast et Furieuse. Cette semaine, on est encore avec les filles du crew Fast et Furieuse. Tina Tornade, Dou et Lizzie passent derrière les platines de Boum Boum Mo pour un B2B2B. Bravo Jonas, tu l'avais très bien prononcé la semaine dernière. Pour la première partie de cette carte blanche, mercredi dernier donc, on avait écouté une sélection axée sur le groove. Cette semaine, le mix est beaucoup plus techno, l'univers est beaucoup plus froid. Tina Tornade, Dou et Lizzie sont derrière nos platines, Fast et Furieuse sur Prune. Bonne écoute, à la semaine prochaine.

journal.